بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن continuons dans le livre فضل رب البرية بشرح برر البهية. فضل رب البرية شرح الشيخ علي رملي حفظه الله تعالى على برر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. Donc nous sommes toujours dans le grand chapitre de la prière de Kitabu As-Salat. Et nous sommes précisément dans le chapitre Surat al-Jama'a, chapitre de Surat al-Jama'a. Dans la fois passée, nous avons vu le jugement de la Surat al-Jama'a et puis Fana'atib al-Jama'a bisnaini. On a vu que la prière en groupe se concrétise par deux personnes. Et la preuve de cela, c'est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, et aussi le hadith d'Abu Saïd al-Khoudri. Et ensuite, nous avons vu qu'au fur et à mesure que la jama'a est nombreux, alors les mérites sont ainsi. C'est-à-dire, il y a plus de mérite si il y a plus de nombre de prières, de personnes dans la prière. Lorsqu'il y a moins de nombre, alors les mérites aussi sont ainsi. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, ainsi que Abu Dawud, An-Nasa'i, de Uwayy ibn Ka'b, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Salat al-Rajul ma'al-Rajul adka min salatihi wahda. La prière d'un homme avec un autre homme, c'est-à-dire la prière de l'homme avec autre homme, c'est-à-dire les dieux, alors cette prière est mieux que sa prière seule. Et ensuite il a dit: Wa salatuhu ma'al-Rajulayn adka min salatihi ma'al-Rajul. Il dit: sa prière avec deux personnes est meilleure que sa prière avec une personne. Ça va? Et nous avons vu le jugement aussi de Tassihu Ba'd al-Mafdoul, la prière pour être derrière celui dont on a plus de mérite que lui. Ça va? Et l'argument de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière qui? Abu Bakr. Il a prié aussi derrière Abdurrahman ibn Awf, comme cela vient dans les deux authentiques. N'est-ce pas? Et nous avons vu aussi, wal awla, ce qui est mieux, an yakun al-imam min al-khiyar. L'imam doit être parmi les gens, les meilleures personnes. ولكن الحديث qui vient en ce sujet est حديث ضعيف. Ça va? Le hadith qui vient en ce sujet est حديث ضعيف. ضعفه الألباني. Cheikh Albani dans سلسلة الحديث الضعيفة. Ensuite, le jugement de la prière, c'est-à-dire de l'imam. Est-ce que c'est celui qui doit être parmi les meilleurs? Alors, le hadith est d'aïf, n'est-ce pas? فالأولى أن يؤم الناس أقرأهم لكتاب كتاب الله celui qui lit mieux le Coran. Ça va prendre dans cela الذي يتغنى بالقرآن celui qui psalmodie mieux le Coran. Ça va. ولو كان أقل علما même s'il a moins de science. Ça va. Al-Madar aussi c'est pas la science. Al-Madar ici c'est quoi? C'est أقرأهم بكتاب الله. C'est-à-dire celui qui lit mieux le Coran. Ça va? Même si il a moins de science que le Mahmoud qui se trouve derrière lui. Ça va? Et nous avons parlé d'une mas'ala dans l'audio passé. Mais pendant que je parlais de la mas'ala, l'audio s'est coupé. Je ne savais pas. Donc on va revenir sur la même mas'ala pour expliquer. C'est quel masala? C'est Al-Jama'a. La Jama'a dans la mosquée. Il y a un ikhtilaf entre les savants concernant Jama'ataini fi masjid al-wahid. Deux Jama'a dans une seule mosquée. Ça va? D'autres disent que là il y a 12. D'autres disent il y a 12, c'est permis. Mat aussi. Mais il y a plusieurs figures. Le chef Mohamed Moussoual al-Husseimi, Rahimahullah, a mentionné dans son cher pour le monde. Ça va? Il y a plusieurs figures. Tayyib. Le chef Mohamed Moussoual al-Husseimi, Rahimahullah, il dit, en mentionnant le fait de prier une deuxième jama'a dans la mosquée, après la première jama'a. C'est sur cela qu'il y a ikhtilaf. Car d'autres disent que lorsque la première jama'a a déjà fait la prière, si des gens viennent, alors ils doivent prier mutafarriqin, séparément. Ça va? Il ne doit pas prier en groupe. Maintenant, d'autres disent qu'il doit prier en groupe. C'est là qu'il y a l'ikhtilaf. Mais le chef Ousseimi va mentionner les trois figures. Ça va? Il dit Fasourat al-Oulam. La première figure, en yakoun la filmas, dit Jama'atani da'iman. Qu'il y a deux groupes da'iman dans la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mosquée, il y a deux groupes ratis. Par exemple, dans la prière des Zohr, il y a un groupe qui prie à 13h, il y a un groupe qui prie à 13h30. Dans la même mosquée, et ça c'est da'iman. Ça va? Et il y a deux imams. Ça va? Donc, ici, فهذا لا شك نبالي دوت أنه مكروه المكروه ici c'est-à-dire c'est haram ça va محرم لأنه بدعة parce que c'est une innovation لم يكن معروفا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم c'est pas connu à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il y a deux jamaa dans une seule mosquée ça va donc de cela ce qui est bien connu avant dans Masjid al-Haram, avant que Al-Oumad al-Saoudia, c'est-à-dire les Al-Saoud, ne prennent le dessus et mettent un seul imam dans Masjid al-Haram. Il y avait quatre imams et quatre miharab. Les miharab, c'était quatre. Il y avait ceux des Malikiya, des Shafi'iya, des Hanabila et des Hanbaliya. Ça va? Donc chacun priait selon son imam. Ça va? Le Maliki, il priait derrière les Malikiya. Le Shafi'i, il priait derrière les الشافعية إلى الحنبلي قيل إلى الحنابلة الحنفي قيل إلى الأحناف صح؟ ولكن lorsque الملك عبد العزيز جزاه الله خيرا lorsqu'il est rentré à Mecca il a cassé cette Afrique là que cette division et il a mis la communauté derrière un seul imam. Et c'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, il y a un seul imam, un seul mihrab. C'est-à-dire quand je dis un seul imam, c'est vrai que Masjid al-Haram, il y a plusieurs imams, mais c'est-à-dire c'est une seule iqama, un seul azan et une seule faire de prière pour toute la vie. Ça va? Donc, Allah jaza Allah khayran, qu'Allah le récompense en bien pour cela. Voilà pourquoi on doit faire des invocations pour ces gens-là, ces autorités-là. Ça va? Ils sont Khadim al-Haramayn. Khadim al-Haramayn, c'est-à-dire les serviteurs des deux grandes mosquées. L'imana, ils font tout, ils mettent tout en place pour pouvoir préserver ces deux lieux. Pour ne pas que les ennemis rentrent pour détruire ces deux lieux. Aujourd'hui, même si c'est la grâce d'Allah et la présence de ces gens que Allah a utilisé pour préserver ces deux mosquées, tous les ennemis autour d'eux sont contre cela, ils veulent détruire. Il y a les outils qui sont au Yémen, qui chaque fois lancent des missiles. N'est-ce pas? Les Iraniens, l'Iran, qui ne veut même pas y aller voir les deux endroits dans la main des Al-Saouds. Ils veulent tout faire pour détruire. Il y a la Khawarij aussi. Mais Alhamdulillah, du Fadillah, du Tabaraka wa Ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux endroits sont préservés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver toujours ces deux endroits. حتى يأتي الله بأمر جزء ظهور القيامة donc voici la première figure et cette première figure c'est haram n'est-ce pas et cela aussi amène à la paresse parce que si on sait qu'il y a deux heures de prière dans la même mosquée alors le paresseux, il ne va pas venir à la première heure. Il va dire, bon, comme il y a deuxième heure, je vais retarder. Et il ne pourra même pas venir même pour vraiment à la deuxième heure. Et il y a aussi dans cela la division des musulmans. Parce que d'autres diront, je vais prier derrière tel imam. D'autres diront, je ne veux pas prier derrière tel imam. Tel imam est rapide, tel imam est là. Ça va? Surtout aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec le cassage des gens. Hein? Les gens aujourd'hui, quand ils sont derrière l'imam, tout ce qui est dans leur tête, c'est Arishna Minasona. Repose-nous de la prière, pas Arishna Minasona. Repose-nous dans la prière. Le prophète Rasulallah, il disait, Ya Bilal, Arishna Bissolat. Le bin, ça veut dire avec. C'est-à-dire, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, faire le hasard, on rentre dans la prière, on se repose. Car on n'est pas pressé, on prie comme il se doit. Mais aujourd'hui, les gens disent Arishna Minasolat. C'est-à-dire, repose-nous de la prière. Fais vite pour qu'on puisse partir. Donc, s'il y a un imam qui prie correctement, et il y a un imam qui, comme les gens disent, avion par terre, un noir. Les gens ont choisi plutôt l'autre imam, et vont laisser l'imam qui prie normalement, voyage sur le visage, va arriver dans cela, ma facile que c'est beaucoup de méfaits. Donc, la chasse à cette première figure est interdite. La deuxième figure qui est un Yakuna Aridon, que ce soit Aridon, quelque chose qui arrive comme ça par occasion. Ça va? Un aliment Muradi, ou un aliment Yusuf et Yamad et Masjid. L'imam principal, c'est lui qui prie avec la jama'a dans la mosquée. Il y a une seule heure. Lakin ahyana, mais souvent, yatakhalla furadulan. Deux personnes restent en retard. Ça va? Au salasan, ou trois personnes, au aksan et aux autres. Aux autres, à cause d'une excuse. Fada mahalul khilaf. Donc, si ce sujet spécifiquement, il y a une divergence entre les savants. C'est-à-dire quoi? Il y a une seule jama'a dans la mosquée. Mais des gens restent souvent en retard. Cela arrive. Par exemple, ils quittent loin, tu n'as pas vu l'heure et tu viens en retard. Souvent, tu te réveilles en retard. Donc, cela peut arriver si tu arrives à la mosquée et tu trouves que tu es en retard et qu'il y a des gens aussi en retard comme vous. Comme toi. Alors tu pries, hein, avec eux. Ça va? Maintenant, ce moment que vous vous mettez en groupe ou vous priez séparément, alors c'est sur cela qu'il y a l'esclavage. Mais vous n'avez pas fait exprès pour venir en retard. Ça va? Comme par exemple, quand j'étais à Niamey, il y avait quelqu'un qui venait chaque fois en retard. Il venait chaque fois en retard. Donc souvent, les enfants, quand tu leur dis, mais allez-y prier, ils sont en train de prier à l'heure. Les enfants te disent, non, je vais prier dans le groupe d'eux. Et ils disent, non. Hein? Je vais prier dans le groupe de Cheikh Ali. Parce qu'il est tout le temps en retard. Donc ils attendent pour prier avec lui. C'est la même chose. Mais on parle de Ari par occasion. Alors ici, les savants se divergent. Ça va? On va mentionner leur divergence. Il y a parmi les savants qui disent que si la première jama'a a fini de prier, alors on ne fait pas une autre jama'a. Ceux qui viennent à la mosquée doivent prier séparément. Quel est le Alors, le problème, c'est la jama'a dans une mosquée. Il n'y a pas de jama'a dans une mosquée. Wa minhum man qala, il y a parmi eux qui disent bal du'aa. Au contraire, on peut refaire la jama'a. Et le chef de l'Église dit wa hadha al-qawl sahih. C'est la parole? Oui. C'est le mazhab de Hanabila. Wa dalilu dhalika. La preuve de cela, premièrement, c'est le hadith de Ouéboukar qu'on a vu. La prière d'une personne avec une personne est meilleure que la prière seule. La prière d'une personne avec deux personnes est meilleure que la prière avec une seule personne. Chaque fois que le groupe est nombreux, il y a plus de mérite. Ça va? Et le deuxième hadith dont il se base dessus, c'est le hadith qui vient dans At-Tirmidhi. Où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont venu faire la prière en groupe, il y a un homme qui est venu en retard. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Man yatafaddaqu ala hadha fa yusallima. Qui va faire la salata pour son frère pour prier avec lui? Ça va? C'est un hadith qui est clair. La prière en groupe est finie. Une personne est venue. Si le sahab était de prier seul à seul, il allait le laisser prier. Mais certains savants se sont opposés à cette parole en disant que le prophète Rasulallah m'a parlé de la salata ici. Ce qui veut dire que si la personne qui va s'ajouter à lui faire une salata, c'est-à-dire que ce n'est pas une prière obligatoire qui m'attend les frères. Mais quand il parle de la prière obligatoire, le fait de se mettre ensemble pour faire dans la même mosquée, il parle de cela. Alors le chef Ousseïmine répond à cela. Il dit, si une personne vient en retard pour la prière obligatoire, et le prophète sera le seul l'âme, demande un compagnon de prier en surrogatoire avec lui pour que lui gagne le mérite de la Jama'a. Alors la prière obligatoire, c'est en quoi? C'est plus fort. Que deux personnes viennent et on les interdit. On leur dit, ne priez pas ensemble. N'est-ce pas? Faillir. Et ensuite, ici, regardez. Le prophète Rassam dit la prière d'une seule personne. La prière d'une personne avec une autre personne est meilleure que sa prière seule. Donc est-ce que on va délaisser ce qui est meilleur pour demander aux gens de faire ce qui est moins meilleur? Hein? La base c'est quoi? La prière en groupe a plus de mérite. Et le prophète Rassam a demander à des compagnons de prier avec une personne qui est venue en retard. Donc si on se base sur la parole de ceux qui disent, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diamant, je ne m'as dit. Si vous venez trouver que l'imam a fini de prier, façon tout froide, priez seul. Alors, on va rendre meilleur ce qui est moins meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur dans cela? Dans la parole du prophète sallam, a dit-vous. De prier ensemble. Il dit la prière d'une personne avec une personne est meilleure que la prière seule. N'est-ce pas? Bon, ils viennent en retard. Et on leur dit prier seul. Alors que le prophète Rassam dit le meilleur c'est de prier. Donc, on rend ce qui est mafdoul fardé, ce qui est moins méritoire que le soir. Hein? Allez-vous. Là. Donc, هذا دليل قوي. وهذا قول واحد من بعض أهل العلم de certains savants. Ça va? Voici la deuxième surah. L'ikhtilaf qu'il y a dans la deuxième surah. Ça va? C'est quoi? Ceux qui disent qu'il n'y a pas de jama'a après la première jama'a. On a donné la première surah. Première figure, ça c'est haram. Qu'il y ait deux jama'a dans une seule mosquée, deux imams. Ou dans la même mosquée, prière de 13h, il y a le premier groupe qui fait à 13h00, il y a le deuxième groupe qui fait à 13h30. Ça là est douce. Ça va? Ça y est. Maintenant, deuxième figure, c'est que cela arrive à raison, par occasion. Il y a un seul imam, il y a un seul jama'a. Et les gens viennent trouver que la prière est finie. Ils prient, fouradent, ou ils se mettent ensemble pour prier. Dans les ikhtilaf, d'autres disent qu'ils prient, fouradent. D'autres disent qu'ils prient ensemble. Mais quand ils sont là, ils doivent faire quoi? Ils doivent prier ensemble à cause des hadiths, les deux hadiths que nous avons mentionnés. Le hadith qui montre que la prière d'un homme avec un autre homme est meilleure que sa prière. Et le hadith où l'homme est venu en retard, où le prophète Rasulallah a dit qui va se lever pour faire la salat à son, afin qu'il gagne le mérite de la Jama'a. Ça va? Toi, la troisième figure, en yakun al masjid, que la mosquée soit masjid ou souk. Ça va? Une mosquée du marché, ça va? Ou bien Masjid Tariq ou Siyarat, une mosquée qui est au bord de la voie où les voitures passent. C'est une mosquée qui est mise comme ça. Comme généralement, si vous voyagez dans certaines stations, il y a des mosquées. Ça va? Toyib. Ou bien vous arrivez dans les marchés, il y a des mosquées. Ça va? Tout le monde ne vient pas au même moment. D'autres viennent en retard, d'autres viennent d'arriver au marché, il est en retard. Donc, si c'est une mosquée de Sou ou une mosquée de Tariq ou Seyyarat, enfin, ils atteignent un masjid de Sou. Si c'est une mosquée du marché, sachez que les gens, les Sarah d'Adou, à le sourd et le martyr. Les gens du marché viennent et ils vont. Ils viennent et ils vont. Ça va? Hayati Badulan ou Salat ou Al-Asr. Deux personnes viennent. Après ils vont. Trois, dix, quinze personnes. Et ainsi de suite, ensuite ils vont. Hein? Comme on trouve cela dans certains marchés. Donc, en ce moment, les gens du mosquée, ce n'est pas détestable et ce n'est pas haram de faire plus de jama'a dans cette mosquée. Parce que la mosquée, à la base, n'a pas été construite pour une seule jama'a. Ça va? Et cela peut arriver souvent pour les mosquées, qui sont les mosquées des WC publics, par exemple. Ça va? Dans certains WC publics, il y a des mosquées à l'intérieur, n'est-ce pas? Et les gens viennent. L'heure de la prière, ils viennent se mettre deux ensemble, trois ensemble, ils finissent. D'autres viennent, ils se mettent deux ensemble, trois ensemble, ils finissent. Il n'y a pas un imam ratif, il n'y a pas une seule jama'a dans la mosquée, c'est Masjid de Souk. Donc en ce moment, il y a une seule parole sur cela. Et la seule parole, c'est quoi? Il y a du wuzu. C'est autorisé de faire la plusieurs jama'a. Hein? Non. Est-ce que dans ce genre de mosquée là, ils sont en train de prier, il y a deux ou trois personnes qui ont commencé la prière, qui sont vers la fin. Non. Et il y a deux personnes, trois personnes aussi qui viennent commencer aussi. En tant que là, n'ont pas encore fini. Et si la question va dire, moi, je peux avoir plusieurs jama'a. Non. Avec la réponse. Ça, c'est pas terminé. On parle de jama'a, ba'da jama'a. On ne parle pas de fi asnaï wa jama'at, plusieurs groupes dans un seul moment. Là. On parle de jama'a, ba'da jama'a. C'est-à-dire, si tu vas trouver des gens souvent dans la prière, même s'ils ont attaché ou de l'akhir, les gens que nous voyons de certaines personnes, quand ils viennent, ils trouvent que l'imam est dans attaché ou de l'akhir, lui, il rentre plus. Il attend. L'imam lance son salam à la khata. C'est une erreur. Car tant que l'imam, il n'a pas lancé son taslim, alors si tu rentres dans la prière, il ne faut pas agréer ta salam. Tu as eu le mérite de la jama'a. Donc tu complètes maintenant ta prière. Ça va? Mais d'autres, Allah Moussa'an, même quand ils ont l'imam dans le dernier soujoud, il s'arrête. Il attend ce que l'imam finisse. Ça va? Même s'il n'y a pas de jama'a, il attend ce que l'imam finisse pour prier sur lui. Ça va, Herman. Tu t'es empêché un grand bien. Ça va? Tacha vous. Oui, il rentre dans la prière, il a eu la jama'a. Ça va? Dans le dernier tacha vous. Tant que l'imam n'a pas lancé le taslim, il a eu la jama'a. Ma foi? Ça y est. Non. Le deuxième, souvent vous pouvez arriver aussi à trouver que les gens sont en train de prier. C'est-à-dire, moi, toujours, même quand j'ai marché là-haut. Non. Maintenant, bon, c'est vous que vous voyez devant les gens en train de prier. Donc, tu vois que ça prie le passage. Non. Non, c'est une question qui est très très importante et on va arriver sur cette masala qui est quoi? Je regarde ici. Voilà. Ici, As-salat khalfa al-muqtim. Priez derrière celui qui prie mal. Ça va? Il dit, wa tajibul mutaba'atu fi ghayr al-muqtim. Il est obligatoire de suivre un imam qui n'est pas muqtim. Muqtim qui délègue certains arcanes. Par exemple, celui qui prie, boum, bam, boum, bam, il n'a pas respecté le rythme de Tomanina, de l'apaisement dans tous les arcanes de la prière. Donc, Allah Yusallah Wara, on ne prie pas les rêves. Ça va? Celui-là, on ne prie pas les rêves. À la main, pour empêcher les ikhtilaf, on attend ceux qui finissent la prière. Ça va? Mais si vous voulez faire nos diamants à côté de lui, ça apporte quoi? L'ikhtilaf. Ou bien, tu peux prier seul, tu peux quitter la prière même si tu te trouves dans la prière d'une personne comme ça, quitte la prière, à moins que ça soit une autorité. Une autorité, tu dois rester. Ça va? Tu restes, tu finis de prier avec lui, wa tu'idu salata, comme l'imam Ahmad faisait dès la dernière. Ça va? En ce moment, tu es obligé, parce que si l'imam Ahmad ne prie pas les rêves, ils vont dire que l'imam Ahmad dit qu'ils ont des rêves, ça envoie d'autres choses. N'est-ce pas? Donc, il priait derrière et il méprenait sa prière. Ça va? Si c'est une autorité, on reste. Mais, tu viens, tu trouves un imam qui est en train de prier comme il veut. Hein? Donc, ça va pour qu'il sorte. Et tu sors ta prière. Ça va? La tajibu, c'est pas obligatoire, moutabatu, à l'oukti. Badiahou, c'est interdit de suivre à l'oukti. Ça va? Pas hier. Non. Ma question c'était, est-ce que, que Saoud le dit, est-ce que c'est possible de dire, une personne qui va à la Shora, même prier en groupe, la personne, l'endroit où il va pour la Shora, c'est pas bien être là. Non. Là il arrive, et bien sûr que vous continuez de tout. Non. Celui-là, est-ce que, non, il n'a pas eu la jama'a. Ça va? Il n'a pas eu la jama'a. Tant qu'il n'a pas prié avec la jama'a, mais il a eu le mérite de la prière à la mosquée. Ça va? Il a eu le mérite de la prière à la mosquée, même s'il n'a pas prié avec la jama'a. Ça va? La Bouddha, ça frit. Baina hada wa hada. Ça va? Toyim. Et dit, si une personne ne connaissait pas l'heure de la prière, et qu'il va à la mosquée, il va trouver que la jama est finie, est-ce qu'il a eu le mérite de la jama à cause de son intention? Parce que c'est l'intention qui compte ici. Donc, Nakulu, il n'a pas eu le mérite de la jama. Mais il a eu le mérite de la prière à la mosquée. Ça va? Donc, maintenant, ici, il y a d'autres qui se basent sur certains hadiths. Mais, Adam a fait un khat. Ça va? Le prophète va dire, il m'a tawadda wa asam al-wudu wa tawadja ila masjid, fa la yushabrikanna bayna asabia fa inna wufi salah. Et lui, celui qui prend les ablutions, perfectionne les ablutions et se dirige à la mosquée, il ne fait pas de tashbik. Le tashbik ici, ce n'est pas comme ça. Le tashbik, c'est le rentrer les mains entre les mains. Les Arabes, ils avaient l'habitude de faire cela et faire comme ça. Clac. Ça va? Donc c'est quel tashbik? Donc dans cela, les savants sont en train de faire de claquer les mains. Pour le hadadah, il va de l'ulama. Donc, le prophète a dit, voilà, le chadikal n'a pas une affaire, il n'a pas une affaire. Il est en prière. Et cela est arrivé, une fois avec un frère, il partait à la mosquée, et je l'ai salué. Il n'a pas répondu. Et je lui dis, mais, je lui parle, il ne m'écoute pas. Il va jusqu'à la mosquée, finit de prier, et puis vient me montrer les chemins. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu prends les ablutions, tu te diriges à la mosquée, ne fais pas le tashbik parce que tu es en prière. Depuis le moment où tu es quitté à la maison jusqu'à la mosquée, tu es en prière. Celui qui est en prière, il ne doit pas répondre le salam. Hada mafhoum khatir. C'est une mauvaise compréhension. Ça va? Donc, hada la yufhamu muhakkam. On ne comprend pas des hadiths comme ça. On comprend les hadiths que ce qui est interdit, on ne doit pas le faire, qui est le tashbik. Et tu dois marcher bisakinati walwaqa, avec la sakina, l'apaisement, marcher doucement, comme tu marches. Si tu avais l'habitude de marcher un peu rapide, tu marches comme ça. Mais d'autres ont compris, tu as admis, c'est-à-dire le fait d'aller doucement, doucement. Ce n'est pas aussi la compréhension. Bisakina, c'est-à-dire tu ne cours pas, tu ne te presses pas, mais si tu as l'habitude de marcher rapidement, tu marches ici, comme tu marches. D'habitude. Ça va? Tu marches de cette manière-là. Ça va? D'autres aussi ont dit, asikina. Ils ont compris, comme il y a un comme ça, on dit, femme sous bisakina. Lui, il a lu, bisikina. Et il prend le couteau, il s'en va à la mosquée. On dit sakina, on n'a pas dit sikina. Sikina, c'est couteau, mais sakina, c'est quoi? Hein? On a vu ça. Donc ici, ce que tu as dit, il a eu le mérite de la prière à la mosquée, mais pas la djama, il n'a pas eu la djama. Ça va? Voilà pourquoi maintenant le prophète sallam a demandé aux compagnons de faire la salaka pour lui. Ça va? Ça y est. وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَى. Si on reste dans les questions, on ne va pas faire ça. Ou bien, hein? Donc gardez les questions après. Une question, deux questions, on peut. Mais plusieurs questions là, ça devient pas toi. Hein? Non. Donc, il dit وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَى. Là, l'axe. Les hommes dirigent les femmes dans la prière, mais pas le contraire. Ça va? Imam al-Rijal bin Nisa, l'imam d'un homme, devant les femmes, Fadil Yatoua Kedir. Les preuves sont nombreuses. Minha, ma visohihaï. Parmi ces preuves, il y a ce qui vient dans les deux authentiques. D'après Anas Ibn Malik, qui dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم انا واليتيم والعجوز من ورائنا. Moi, je me suis levé pour la prière derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et un orphelin avec une vieille femme derrière. العجوز, c'est la vieille femme. Ça va? Avec une vieille femme derrière. Donc ici, le dalil montre que le prophète صلى الله عليه وسلم a dirigé. Non? Je suis revenu derrière. Ah, ça y est. Je suis revenu derrière. Wa kadhalika qawluhu fi s-salat khalf al-umara. C'est ça? C'est où? Wa tajibu al-mutabaqatu fi ghayr al-muqtadi. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ. Comme on a dit, c'est coupé dans le rond. Donc on revient sur cette partie-là. Ensuite, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ. Et de même aussi, la parole du prophète صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. Sa parole au sujet de la prière derrière les autorités qui retardaient la prière de son temps. Ça va? Zara aïtumum. Le prophète Rassan, si vous les voyez retarder la prière, Kolfa al-Zarika, ils ont fait cela, Fasolu Solat al-Miqatiha. Priez avec eux. Hein? Wajalu Solatakum ma'ahum subha. Mais faites de votre prière derrière eux comme Nafila. Mais après vous priez à l'heure. Ça va? Il retarde la prière. Par exemple, le Umara il prie Salat du Zohr à 15h par exemple. Ça va? Ça y est, c'est une autorité. Si vous dites on ne prie pas derrière lui, il va vous pisser un à un. Et ce qui va se passer, vous allez voir. Maintenant, vous priez à l'heure chez vous. Et vous faites de votre prière derrière eux subha. C'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Ça va? Ce qui montre ici le respect de même du sonat. Alors, ce sera ça, vous avez dit non? On ne prie pas derrière eux. Lakin, les jam'a et kalimat et muslimin, pour rassembler la parole des musulmans, à la fois là, ou soluna wa ra'ah, pour prier derrière eux. Donc, voilà pourquoi, minal umara, il y a d'autres qui priaient cela, il fallait 8 rakas. 8 rakas. Et il finit, il entre le sarab et il dit, Aziz de coup, vous voulez que j'ajoute encore? Mais il priait derrière lui. Et après, il reprenait le prix. Tout cela montre le respect de l'autorité. Qui boycotte cela? Hein? C'est les innovateurs. Sinon, les salafis, les gens de la sunna, ils respectent cela. L'autorité reste toujours l'autorité. N'est-ce pas? Et ici, qui nous enseigne ce respect-là? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Amma salatul muftarid khalfa al-mutanafil. C'est un autre masala. Celui qui prie une prière obligatoire derrière celui qui prie surrogatoire. Celui qui prie surrogatoire derrière celui qui prie obligatoire, Allah, les deux sont permis. Ça va? Et le premier c'est quoi? Prier la prière obligatoire, non, surrogatoire derrière celui qui prie obligatoire. Et c'est le hadith que nous avons amené ici. Ici le professeur Hassan m'a dit de prier notre prière derrière eux en quoi? Surrogatoire. Donc ici, mais la prière de celui qui prie. Une prière obligatoire derrière celui qui fait surrogatoire. Le dalil de cela, c'est le hadith de Mouaz, radiallahu ta'ala anhu. Il dit, كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم يذهب إلى قومه. Il priait la prière obligatoire derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et il allait vers son peuple et il priait, il dirigeait la prière pour lui. Voyez, il a fait combien de prières? Deux prières. C'est quelle prière qu'elle a fait là? Entre les deux. Avec son peuple. Pourquoi c'est pas ce qu'il a fait avec le professeur? La meilleure des créatures. Tu rends ça? Voyez. Ado Sohi. Ça va? Ou le hadith muttafaqun alayh. Et c'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit La tu sollu salatan fi yawmi marratayn. Ne priez pas une prière obligatoire deux fois dans la journée. Non, ça veut dire qu'ici, Mouaz ibn Jabal, il a fait une prière obligatoire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il allait diriger la prière obligatoire de son peuple. Mais lui, il était en mutanafi. Il était en surrogatoire et il était en obligatoire. Donc ce qui montre que Yajus, c'est permis que celui qui est en surrogatoire dirige la prière obligatoire des gens. Ça va? Ou amma salat al-mutanafil khalfa al-mutanafil. Quant à la prière surrogatoire, c'est-à-dire d'une personne qui prie prière surrogatoire derrière une autre surrogatoire, c'est permis. Ça va? Le dalil de cela, c'est salat ibn Abbas. Derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va? Lorsqu'il dit, Bittu inda khalati, il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. La tante d'Ibn Abbas, c'est qui? Maïmouna. Maïmouna, c'est la sœur de qui? De la mère d'Ibn Abbas. Maïmouna, c'est la sœur de la mère d'Ibn Abbas. La mère d'Ibn Abbas est la femme d'Abbas, le père de Ibn Abbas. Donc, il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. Khalat, c'est quelle tante? Abdelaziz, c'est paternel ou maternel? Si tu réponds mal, tu sors. Hein? Maternel. Tu as la chance. Donc, ici, la sœur de la mère, c'est Khala. Maintenant, la sœur du frère, c'est quoi? Ammatou. Fais attention. Donc, le hadith de Ibn Abbas montre, parce que le prophète s'est levé la nuit, Ibn Abbas et les deux frères de lui, les deux étaient en surrogatoire, n'est-ce pas? Voyez. Voilà qu'il met. Et wakada salatu sahaba khalfahu. Et de même la prière des compagnons derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Ramadan. Ça va? Il a prié quelques nuits. Surrogatoire est aussi surrogatoire. Et c'est ce qu'on voit dans le Ramadan. Ça va? Salat tarawih. ولكن لا تكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم. صلاة الجماعة النافلة de façon perpétuelle, فلا يحافظ عليها. On ne fait pas cela de façon perpétuelle, comme on voit dans cet thème aussi. Après Isha, directement, il continue avec Chaf 8. Daïman, ils sont dans cela. Adalé, ça m'a sonné. Ça va? فالمداومة عليها بدعة. C'est-à-dire, faire cela à tout moment est une innovation. بل تفعل أحيانا. Tu le fais souvent. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. قال البروفيس صلى الله عليه وسلم n'a pas fait cela de façon continuelle. وكذا أصحابه من بعده. C'est le même, ses compagnons après lui. ما على قيام رمضان. En dehors de la prière de Ramadan seulement. Comme Ashuré Abdel Jama'a, et ce qui a été autorisé pour la Jama'a, qui n'est pas la prière obligatoire, comme la prière de Istisqa, demande de pluie, ou Al-Kusuf, et l'éclipse. Ça va? Donc, on fait ces prières en même. Mais, en dehors de cela, les autres prières Nawafil, on ne fait pas ça dans le Mudawama. Ça va? Voyez. قال المؤلف رحمه الله وتجب المتابعة في غير مبطل. Il est obligatoire de suivre في غير مبطل une personne qui n'est pas en erreur dans la prière. Ça va? Il est obligatoire de le suivre. Mais s'il est en erreur, on le suit. Ça va? S'il est en erreur, on ne le suit pas. Ayyajibu al-ma'mum, c'est une obligation pour celui qui est derrière l'imam. Al-ma'mum, c'est celui qui suit l'imam. Ça va? Ayyutabi al-imam du surat al-jama'a. Il doit suivre l'imam dans surat al-jama'a. Illa, sauf que, il fa'ala ma'yuk, tu le sois là. S'il fait quelque chose qui annule la prière, fala yutabi. On ne suit pas. Ça répond à la question de qui? Non, tout à l'heure. S'il fait quelque chose qui annule la prière, le fait de ne pas respecter les arcanes de la prière annule la prière. Ça va? Si un imam, par exemple, vient, il ne sait pas réciter Fatiha, hein? Il commence, hein? La Fatiha. Pareil, le maqdoul alayhi wa la tu'ali. Et puis vous dites, ami, et vous le suivez. Il commence par ça. Bon, ça y est, vous avez reçu. Hein? Donc, ben, nous, on ne le suit pas. L'école d'Israël est celle-là. Wayajibu al-Ma'mum, mais il est obligatoire pour celui qui suit l'imam, mutabatu l'imam. De suivre l'imam, à cause de la parole du professeur Zabi, il n'a pas joué l'imam, le utamadi. L'imam a été placé pour être suivi. Donc, il a expliqué, il dit, Faïda kab barafa. Kabbiru. S'il dit Allahu Akbar, vous dites wa idha sajada fas judu. S'il fait le sujoud, vous faites le sujoud. Wa idha rafa farfa'u. S'il te lève, vous vous levez. Donc, ce hadith-là, ceux qui disent que on n'attend pas forcément le takbiratul ittiqa de l'imam avant de bouger, ils se basent sur ce hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit idha sajada fas judu. Donc on regarde le mouvement de l'imam par le takbira qu'il dit en avant. Il se base sur parce qu'il a dit Faza kabbara fa kabbiru. Là on parle de takbira tout. Ensuite, il en sait la fin. Donc cela veut dire, dès qu'il fait le sujet que vous faites, ici on va mieux expliquer pour que vous compreniez. وإذا قال سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا لك الحمد فجئنا بثلاث manières ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد سواء dans une autre riwaya comme cela vient وإذا صلى قائدا si l'imam prie assis فصلوا قعودا Oudan ajma'in. Le hadith est muttafaqun alayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Si l'imam prie assis, vous priez assis. Cette sunna a disparu, les gens ne connaissent même pas. Hein? Souvent il arrive que l'imam il est fatigué, il ne peut pas s'arrêter, mais il ne peut pas s'asseoir. Parce que s'il s'assoit, même moi, disons, c'est l'heure qui vient de pas correct, parce que l'imam, c'est l'heure. D'autres ne vont pas le suivre. Il l'aura, parce qu'on ne connaît pas. Allah ou Moustah. Wa fi hadithi Abi Hurayra fi Sahihayn, dans le hadith de Abi Hurayra dans Sahihayn, il dit, innama ju'ila al-imam yutamma bihi. L'imam a été placé pour être suivi, fala takhtalifu alayh. Ne divergez pas, c'est-à-dire, fala takhtalifu alayh. C'est-à-dire ne restez pas en retard ou ne divergez pas avec votre imam. Donc ici, dans ces deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit An ma yaksha ahadukum, l'un d'entre vous ne craint pas, il a rafa rafta ou qabla l'imam. Si il lève la tête avant l'imam, qu'Allah change sa tête en tête de âme. Dans une autre loi, Allah change son aspect même en l'aspect de âme. L'un d'entre vous ne craint pas cela. Ce qui veut dire que c'est obligatoire d'attendre l'imam faire d'abord le mouvement avant de faire le mouvement. Ça va? Muttafaqun alayh. Le hadith est unanimement reconnu. Authentique. Donc, fahadil ahadith, ces hadiths tadullu ala wujubi mutabat l'imam bi surat illati zakara an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Montre l'obligation de suivre l'imam par la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Faïda raka l'imam, raka l'muqtamuna. Si l'imam fait le recours, ceux qui sont derrière lui font le recours. La qabla. Ce n'est pas après ou à la barre, ce n'est pas avant ou à la barre de vous biquetier. Et aussi après lui, en laissant beaucoup de temps. Ça va? Bal ba de vous moubachara. Après lui moubachara à la marque tabsanin fa. Dans ce qui implique le mot fa. Le mot fa en arabe, ça veut dire alors ou bien après. Somma. Ça veut dire somma. C'est-à-dire, dit, ba idaraka fa. C'est-à-dire, après son recours, alors après son recours, vous devez faire le recours. Donc, voilà pourquoi ici, Al-Madar, ce sur quoi nous sommes, c'est pas ce que l'imam dit, le takbir à l'intiqal, mais c'est le mouvement de l'imam qu'on suit. Ça va? L'imam peut dire Allahu Akbar, alors qu'il est toujours debout. Donc, si tu suis sa parole, tu verras que tu vas aller avant. Donc tu le regardes. L'imam suit. Il va dans le mouvement. Dès qu'il décolle vers le mouvement, alors tu le suis. Faïda rata afar. Faïda sajara afar. Voyez. Donc voici ce qui implique le fa. Ça va? Allez, il dit qu'aulihi, qui est dans sa parole. Ida kabbara fa. Kabbiru. S'il fait le takbir, fait le takbir. وَمَنْ لَمْ يُتَابِ الْإِمَامَ عَامِدًا Celui qui n'a pas suivi l'imam sciemment وَسَبَقَهُ et a devancé l'imam, c'est-à-dire est allé avant l'imam sciemment بَطُلَتْ صَلَاتُهُ sa prière est nulle. لأنه أتى بمحظور قال لبناء avec une interdiction من محظورات العبادة parmi les interdictions de l'adoration التي تختص بالعبادة qui sont spécifiques à l'adoration. Quel est le mahzour? Ce qu'il a dévancé l'imam. Il a désobéi à quoi? À la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a désobéi à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite ici il dit قوله في غير مبطل في غير مبطل c'est-à-dire on suit celui qui n'est pas en erreur فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة car l'action du مبطل annule la prière فلا يجوز لك متابعة الإمام donc il n'est pas autorisé de suivre l'imam فإذا قام الإمام le chef va donner un exemple dont il y a اختلاف يسير auprès des savants mais je vous donne seulement l'exemple. Il dit, si l'imam se lève pour une cinquième raka, masalam, wa anta ta'lamu annahu al-khamis, mais tu sais que c'est la cinquième raka, wa ziyadatu raka fi salat, l'augmentation d'une raka dans la prière, laysat minha, ça ne fait pas partie de la prière, tabtul salat, la prière devient nulle pour l'augmentation d'une raka. Fa innaka hauna tunabbihu al-imam. Dieu a-t-il l'intention de l'imam? Fa'in raja, s'il revient, wa illa fala tutab, ne le suis pas. Fa'imma antukmila salataka wahda, soit tu complètes ta prière seule, aw tantazirahu ila an yusallim wa tusallima ma'ah. Tu l'attends jusqu'à ce qu'il finisse, il lance le salam et tu lances le salam à l'autre. Pourquoi il dit ici, fi maqal yasir? Parce que certains parmi les savants disent que si l'imam est en cinquième raka et dans la prière tu t'es rendu compte que le mode de la prière a changé, parce qu'il n'a pas donné les détails ici, le mode de la prière a changé, alors en ce moment même s'il est en cinquième raka, tu le suis. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si l'imam dans la première rakat, il a délaissé un plié. Ça va? Normalement, s'il a délaissé Roukou, et que personne d'entre vous ne s'est rendu compte, ou bien il a délaissé la Fatiha, pour une prière à voix basse, il a délaissé la Fatiha. La Fatiha, c'est un plié de la prière. Normalement, même s'il est en Roukou, ou bien la soudure qui se rappelle, il doit revenir pour reprendre la fatia et repartir. Ça va? Mais s'il n'a pas pu le faire, qu'il s'est retrouvé à la deuxième raka, qu'il s'est rappelé qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas récité la fatia dans la première raka, il annule la première raka. Donc la deuxième raka devient la première raka pour lui. Donc maintenant celui qui est derrière lui, si l'imam prie la deuxième raka que lui considère comme une deuxième raka, que l'imam ne s'assoit pas, il lui fait l'éternité. Mais si l'imam ne s'assoit pas, quand même, il le suit. Si à la troisième raka, il s'est assis, forcément, il va lui faire encore l'éternité. Parce que quand l'imam a dans sa deuxième raka. Donc, dans ce genre de cas, il le suit. Et après, l'imam explique. Ça va? Et ici, il y a chaque qui va faire combien de rakats? 5. Donc ici, il y a un tafsir qui est donné sur cette parole. Ce n'est pas d'aïman. Mais si la prière a été correcte, là ici, c'est de cela que le chef allait dans le débat. C'est-à-dire qu'il a prié première rakat, deuxième rakat, et ensuite il s'est assis deuxième, troisième, quatrième, il ne sait pas s'il va en cinquième, on attire son attention. S'il ne s'assoit pas, en ce moment, on l'attend jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a fini et puis il revient. Ça va? Barakallahu fikum. Donc ici, quand la mu'allifu rahimahullah, l'auteur du livre dit وَلَا يَأُمُّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَرْهُونَ. Quel homme ne dirige pas la prière des gens qui le détestent? Hein? Les gens qui le détestent, il ne dirige pas leur prière. Yasadilul Mu'allif, L'auteur du livre, il argumente. وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِ بِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et ceux qui disent la parole du Mu'allif avec la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, ils argumentent cela. Ils disent ثَلَاثٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً. Trois personnes, Allah n'accepte pas la prière. مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا. Celui qui s'avance pour faire prier les gens, هُمْ لَهُ كَارِهُونَ, qui le détestent. وَرَجُلٌ أَتَى As-salat dibaran. Et un homme qui est venu, qui vient à la prière en retard. Ça va? Dibaran, c'est-à-dire, yatiha ba'da antafuta. Chaque fois, il vient en retard. Donc, celui-là, il ne peut pas être imam déjà. Hein? Parce que ce n'est pas un modèle. Wa rajulun tabadahu muharrarahu. Ou bien l'homme, qu'a pris comme esclave celui qui l'a affranchi. De mana, il l'a affranchi à cause de quelque chose, mais il lui a pas dit qu'il l'a affranchi. Il continue à le prendre comme esclave. Ma faute? Voilà qui, hadith d'Aïf, ce hadith est d'Aïf. Ça va? Donc, là, t'as pour oublier, à vous dire. Sinon, si on dit motlakan, une personne que les gens détestent, ne doit pas faire prier les gens, c'est pas tout le monde qui est aimé. Hein? Il y a des gens même, ils viennent prier derrière toi à cause de ton apparence, ta sunna, tout ça, ils te détestent. Donc, si on dit on se bat sur ces hadiths, il y a des gens forcément qui détestent certains imams. Ça va? Donc, Atta salat dibaran, c'est-à-dire Atta salat bada intaha. Il est venu à la prière après que c'est fini. Wamana itabada muharriru. C'est-à-dire taqadahu muharriru abdan. Celui qui l'a franchi, l'a pris comme esclave. Aïe an yakuna lahu abdan summa yuharriru wa yaktumu zalik. Il le prend comme esclave et ensuite il le libère mais il cache. Ou bien il prend un homme libre comme esclave. Et le détient. Donc de même aussi, il y a le hadith d'Abi Umam, qui a été rapporté par At-Tirmidhi. Il dit, le prophète dit, il y a trois personnes dont les prières ne dépassent pas leur oreille. Al-Abdul Abiqa. L'esclave qui a figué, qui s'est enfui, hatta yarji, jusqu'à ce qu'il revienne, wa imra'atun batat zawjuha, et la femme que son époux a passé la nuit, saqitan 'alayha, énervé contre elle. Wa imam qawmin, et l'imam d'un peuple, wa hum lahum karihun, alors qu'il les déteste. Donc, hadith d'aïf. Le hadith est d'aïf. Fala jalika, donc, si on se base sur cela, on va finir cette partie. Fala ibra tabiru don nas bil imam. On ne considère pas l'agrément des gens de l'imam. Fala ibra tu. La ibra c'est quoi? An yakun al imam muafiqan li shar. L'imam doit être conforme à la sharia. Ça va? Voilà qui yukra, mais c'est détestable. عند بعض أهل العلم لمن يكره الناس يهمهم. Ils disent que c'est détestable. Chez certains savants, c'est détestable que quelqu'un dirige la prière des gens qui le détestent. S'ils sont unanimes sur cela, c'est détestable. Ça va? S'ils sont unanimes sur cela, c'est détestable. Parce que il y a beaucoup de mafazi. Première chose, c'est qu'ils ne seront même pas concentrés derrière toi. N'est-ce pas? C'est ma facile. Ils ne seront pas concentrés derrière toi. Le gars, il est derrière toi, tu ne le plais pas. Donc, ta lecture ne va même pas. Pourtant, le but de ta lecture est de t'asseoir sur lui. Ah, pourtant, tu le délaisses. Donc, si on se base sur cela, on dit c'est ma pro. C'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il y a des mafasides. Surtout s'ils sont inanimes dessus. Ça va? Voyez. Min ajli ta'alif, pour la concorde ou l'ishtima, rassembler les gens, on ne doit pas les mettre devant. Wa daf'an lil furqa wal ikhtilaf, et repousser al furqa et l'ikhtilaf. Les hadith, à cause des hadith, la takhtalifu fa takhtalifa kulu beaucoup. Ah, ne vous divergez pas, sinon vos cœurs seront divergents. Alors, si on divergeait l'imam, hein, comme cela arrivé il y a des années de cela, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça doit être en 1992 ou bien 93, comme ça. En ce moment, on était encore au primaire, je pense. Donc, il y a une mosquée, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe d'une ethnie, et puis il y avait un autre groupe. Et chaque groupe ne voulait pas que l'imam vienne de l'autre groupe. Ça va? Donc, alors que le premier groupe qui a été un peu à la base, les autres sont venus les rejoindre, elles ont placé leur imam. Maintenant, souvent, le deuxième groupe, quand ils viennent trouver que les autres ne sont pas venus, ils placent, même s'il n'est pas l'heure de la prière, ils placent un imam pour faire prier. Pour ne pas que l'autre groupe vienne trouver la prière. Eux aussi, ils attendent, ils n'ont qu'à finir pour eux, et prient pour eux. C'était comme ça à l'Ouada. Ils ne s'aimaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont venus à la mosquée avec des machines. C'était dans notre quartier. Avec des machettes et des marteaux, tous ces trucs-là. Quand ils sont arrivés à Roukou, à Noalé, ils se sont machettés dans la mosquée. Et la mosquée a été fermée. En ce moment, nous, on était encore au primaire. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose, tant qu'il y a une discorde, il faut enlever cela. Si les gens sont unanimes, qu'ils n'aiment pas un imam, on l'enlève. Ça va? S'ils sont unanimes. Mais s'ils divergent, il y a deux groupes, non, on ne veut pas. Le mieux, c'est Karaha, on enlève. Ça va? Parce que la mosquée appartient aussi aux Mahmoud. Les fidèles, ils sont là, c'est eux qui font la mosquée aussi. Il faut aussi considérer leur avis. Ça va? Mais s'ils détestent l'imam à cause de la charia, la sunna qu'il porte, ils le détestent parce que l'imam, et il dit leur maladie. Alors, les 12 en Yunza, c'est pas permis de l'enlever. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. On a pris beaucoup de temps, on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.